Stephen King a peut-être déjà entendu parler du troisième album d'Aphrodite's Child. Stephen King n'a probablement jamais entendu parler du quatrième jeu d'Edmund Macmillan. Stephen King a écrit Les Démons du Maïs. Fritz Kirsch l'a adapté et Cary Skoglund en a réalisé la 665e suite. À tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va comme un travailleur qui s'apprête à profiter du coup d'un week-end de 3 jours, et ça c'est bon. Ah, c'est vrai que lundi c'est férié, j'avais oublié ça. Eh oui. Ouais, c'est le 11 novembre. Du coup, les règles de bonne conduite quand on veut être quelqu'un de bien, ne pas aller faire ses courses les jours fériés, ne pas encourager... la consommation de biens les jours fériés, laisser les gens tranquilles. Ouais, oui, effectivement. Surtout que de toute façon, les magasins sont bondés, donc en plus, même pour soi, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Et surtout à la période de fin d'année à laquelle nous approchons. Ah oui, c'est vrai, il va y avoir tout ça à faire. Ça va bientôt être l'enfer dans les magasins. Enfin, ouais, ça commence déjà. Aujourd'hui, ce matin, on va aux courses, dans notre supermarché, putain, le nombre de grands-parents qui remplissaient leur caddie de jouets, incroyable. Va falloir que je m'en occupe, moi, des trucs de Noël, tiens, histoire de pas les faire au dernier moment. Oui. Alors, petit conseil, ne pas offrir les démons du maïs, un coffret à ses enfants, ça ne marche pas. Non, bah déjà, faudrait les trouver, en réalité. Je pense que quelqu'un vous offre les démons du maïs, c'est qu'il y a une mauvaise intention derrière, il n'est pas tombé dessus par hasard. Oui, déjà, il vous aime pas. Ouais, de c'est base. Ça. Faut y voir un message. On va dire les quelques petites nouvelles autour de King qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. Un nouveau roman a été annoncé, c'était pas le cas au dernier enregistrement. Ce sera de nouveau un roman mettant en scène Holly, apparemment avec pas mal d'autres persos, et il s'appellera Never Flinch. Voilà, et ça sort, je crois, en anglais, ça sort en mai de l'année prochaine. Ok. King a aussi dit sur Twitter qu'il était de nouveau en train de travailler sur l'univers de Talisman. Oui. Donc les romans qu'il a écrits avec Peter Straub. Et apparemment, là, ce serait plus que jamais relié aussi à la Tour Sombre, à l'univers de la Tour Sombre, parce que pour le coup, il a dit quand même plusieurs fois que l'histoire de Roland, en elle-même, elle était terminée. Donc il pourrait retourner dans ce monde-là, mais pas avec les mêmes persos, ou alors juste en secondaire, quoi. Oui. C'est juste pour développer le lore. Oui, voilà. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles pour les romans. Le tournage de l'adaptation de Running Man est toujours en cours. On a régulièrement des annonces sur le casting. Et pareil, il y en a d'autres qui avancent bien, Marche ou Crève et compagnie. Et hélas, Welcome to Derry qui ne va pas tarder, je pense. Parce que je crois que c'est fini de tourner maintenant, ce truc-là. J'aime bien le « hélas » qui veut tout dire. Oui, bah, j'ai pas envie de le voir, hein. C'est comme ça. Il va falloir, ça va rajouter des petits papiers dans notre chapeau. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un court-métrage d'animation que je n'ai pas encore regardé, mais qui s'appelle « Lily », qui est adapté de « En ce lieu des tigres », qui est disponible sur YouTube. C'est sorti pour Halloween, et c'est à ce jour la seule adaptation de King qu'on ait qui soit en animation. Donc voilà, c'est un court, ça dure 10 minutes, mais peut-être qu'il y aura de futures choses dans ce style-là, moi j'aimerais bien. Oui, pourquoi pas. Ah oui, si, je sais pas si je l'avais signalé, mais Danse Macabre va ressortir dans une nouvelle traduction en français, un peu comme ils ont fait pour Shining. Pour Shining, mais du coup avec une belle édition, parce que Shining, il me semble, a eu le droit à une jolie édition. Oui, bah ça reprendra à peu près la même charte éditoriale que Shining. D'accord. Donc ce sera une traduction complète, je pense, cette fois-ci, parce qu'on avait constaté que dans Danse Macabre aussi, il y avait eu pas mal de coupes un peu partout. Oui. Donc c'est l'occasion de corriger ça, et j'imagine que si ça marche, ils vont faire un peu tous les Kings qui en ont besoin, parce qu'il va leur faire un peu de boulot, hein, pour être honnête. Ah oui, effectivement, oui. Parce qu'il y en a eu pas mal des coupés. On y va pour le film d'aujourd'hui? Eh bien, allons-y. Donc, le film d'aujourd'hui, c'est le sixième démon du maïs, appelé Children of the Corn 666 Isaac's Return, sorti le 19 octobre 1999. Nous allons le spoiler, et c'est parti. For every season, there is a time for friendship. Maybe I want you to stick around. A time for love. Don't be scared. We were destined. And a time for terror. Isaac is back. Now is the day of salvation. To fulfill the final prophecy. No! Finish it. Don't be afraid. It's your soul that's gonna burn in hell. I don't have a soul. Children of the Corn 666 nous raconte l'histoire de Anna, une jeune fille qui a été adoptée et qui ne connaît rien de ses parents biologiques, mais qui fait régulièrement des cauchemars sur une petite ville appelée Gatlin, et un jour elle décide d'y aller pour aller à la recherche de ses origines. Gatlin est une ville un peu bizarre, et elle se rend compte qu'il y a une personne dans le coma, appelée Isaac, qui est vue par certains comme une sorte de soit de prophète, soit d'antichrist, qui doit se réveiller dans un avenir proche. Elle découvre aussi qu'elle serait au cœur d'une prophétie. Voilà. Je tiens à dire, c'est quand même un titre à la con. 666. Oui, on est d'accord, oui, mais bon. Le film se distingue des autres démons du maïs puisque c'est le seul qui soit réellement la suite du premier. Alors techniquement c'était aussi le cas du deuxième, mais les rapports étaient quand même beaucoup plus lointains. Et donc là on n'a pas juste une histoire avec vaguement des enfants et un épi de maïs dans le décor, on a une histoire avec vaguement des enfants et un épi de maïs, mais à Gatlin. Oui voilà, super. Voilà. John Franklin revient dans le rôle de l'antagoniste principal, Isaac, et c'est aussi lui qui co-scénarise le film. En fait, c'est lui et l'autre co-scénariste, Tim Sulca, qui ont proposé le pitch à Miramax alors que le studio réfléchissait à conclure la saga et aimait l'idée de le faire avec le même antagoniste que dans le premier. Mais d'après Franklin, dans une interview, le film a trop bien marché, d'où le fait qu'il y ait encore eu des suites après, même si je crois qu'il n'y en a qu'une, il n'y a que le septième qui est aussi produit par Miramax. Visiblement, l'idée d'appeler le film 666, donc une idée à la con, on est d'accord, elle est de lui et il en est très fier, il la mentionne dans quasiment toutes les interviews, comme le truc qui a fait vendre le film. C'est le premier script produit par ce duo de scénaristes, mais visiblement l'agent de Franklin lui avait suggéré d'écrire une suite dès la sortie du premier. Depuis, ils ont écrit un comics inspiré de Sweeney Todd. J'en sais pas beaucoup plus parce que ça n'a pas été édité en France. La couverture met en avant par le scénariste et acteur principal de Children of the Corn 666. Quand on fait ça en 2016, moi j'appelle ça du désespoir. Effectivement. La réalisatrice Carrie Skoglund, c'est son troisième long métrage après The Size of Watermelons et Men with Guns. Depuis, elle a réalisé par exemple La Guerre de l'Ombre avec Jim Sturgess et Ben Kingsley, mais c'est surtout à la télé qu'elle est active. On peut citer par exemple The Listener ou The Handmaid's Tale auxquels elle a participé. Qui sont quand même des séries qui ont plutôt bonne réputation. Oui, effectivement. Et elle a réalisé tous les épisodes de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Alors, je ne sais pas si ça a bonne réputation, mais ça veut dire qu'elle est un peu établie en tant que réalisatrice télé, tout de même. Oui, et du coup, pour Disney, quoi. Falcon and the Winter Soldier, c'était sans plus, voilà. Donc, au-dessus de la production Marvel récente. Des dernières années, oui, clairement. Ok. Elle devrait réaliser la suite de Wind River, mais malgré que le tournage principal soit apparemment terminé depuis un bon moment, il aurait été terminé à la première moitié 2023, il n'y a toujours pas de date de sortie donnée, donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce film-là. Et de même, c'est elle qui a remplacé Patty Jenkins au poste de réalisatrice du Cléopâtre avec Gal Gadot, mais c'est un autre projet toujours en décalage depuis pas mal d'années, ça. D'accord. Elle n'est, dit-elle, pas passionnée d'horreur, mais elle accepte la proposition de Dimension Films de travailler sur cet opus. Elle décide de changer un peu la nature de celui qui marche entre les rangs, donc l'espèce de divinité, pour qu'il ne soit pas une entité entièrement mauvaise, et pour faire d'Isaac le véritable antagoniste du film. On discutera de si ça se voit ou pas dans le film terminé. Mm-hmm. Au casting, on ne va pas revenir sur John Franklin dans le rôle d'Isaac, parce qu'on en avait déjà parlé à l'occasion du premier Démon du Maïs. L'héroïne Anna est jouée par Nathalie Ramsey, qui avait joué dans quelques séries et films, dont Pleasantville, mais elle était encore en début de carrière. Par la suite, elle a eu quelques rôles à la télé assez récurrents dans des séries comme La Famille Green et Beyond the Break. Mais depuis la fin de cette série, en 2009, elle n'a rien fait et j'ai trouvé aucune interview sur les raisons de l'arrêt brutal de sa carrière. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Ok. Rachel, donc la mère biologique de Anna, est jouée par Nancy Allen, qu'on a déjà vue à l'occasion de Carrie, je sais, ça remonte, mais on en avait parlé quand même, c'était elle qui jouait Chris, donc la rivale principale de Carrie parmi le groupe des filles, en tout cas. Ouais, c'est ça. Gabriel est joué par Paul Popovich, on dirait un pseudo, un acteur canadien qui était déjà actif depuis une dizaine d'années. Il a commencé sa carrière adolescent et il tourne toujours, surtout à la télévision. J'ai relevé un titre, Un cow-boy pour Noël, ça a 3,4 étoiles sur Allociné, ce qui est en soi une anomalie dans le monde des films de Noël. Un cow-boy pour Noël, what? Ouais. C'est un chien cow-boy pour Noël, non? Non, non, vraiment, vraiment juste le cow-boy, je sais pas, c'est... Incroyable. Une tentative de mélange entre Sergio Leone et un film de Noël, peut-être. Après, tu me diras, il y a bien un indien dans le placard, il peut bien avoir un cow-boy à Noël. Ouais. C'est pas mal, l'indien du placard, d'ailleurs. L'indien du placard versus le cow-boy de Noël. Puis c'est la bonne période pour le rattraper, le cow-boy de Noël, c'est bon. Hein. C'est vrai. Cora est jouée par Alix Cormsey, qui joue un personnage secondaire dans Mimic, qui devient le personnage principal de Mimic 2, mais je ne l'ai pas vu. Le personnage s'appelle Rémi Panos. T'as jamais vu Mimic 2? Non. C'est une sombre merde infâme, voilà. Ah bah ça me donne envie de le voir. Et tu sais, si on fait notre podcast sur les attaques animales, tu auras le droit, hein, du coup. Ouais, c'est vrai que d'une certaine façon, ça en relève, clairement, ouais. Voilà. Elle a joué aussi dans Antise de Yann de Bont, l'adaptation de Maison Hantée de Shirley Jackson, dont on avait parlé à l'époque de Rose Red, qui était inspirée de Maison Hantée, parce que tout oui. est lié. Elle aussi, sa carrière s'arrête brutalement en 2006, dans son cas, même si elle est mentionnée dans un film à sortir cette année. Voilà, donc, et elle non plus, je sais pas pourquoi il y a eu cet arrêt. Matt est joué par John Patrick Wright, qui avait commencé dans la série Ages Time Travelers. Il joue un rôle secondaire dans le plutôt mal branlé Mrs. Tingles avec Helen Mirren et Katie Holmes, un film qui crie très fort qu'il a envie d'être Scream. Et lui, sa carrière s'arrête en 2001. Ce film n'a pas porté bonheur à son casting. En même temps, vu la gueule du film. Ouais. Et sinon, on peut noter la présence de Stacy Keach dans le rôle du médecin qu'on avait déjà vu dans Cell, c'était lui qui jouait le patron de la fac. Ah oui, exact. Voilà. Et on avait déjà abordé le fait qu'il a une très très grosse filmo à cette occasion-là. Oui. La photographie est de Richard Klabog, déjà directeur photo sur le quatrième épisode, donc celui dont on a déjà parlé, celui avec l'histoire de Mercure, etc. Voilà. Oh, oui, qui avait quand même quelques petites scènes sympathiques pour lui. Ouais, voilà. Et je l'avais peut-être déjà signalé à l'époque, mais il a réalisé Python, un film avec un serpent géant, et les effets spéciaux sont ratés même sur l'affiche, c'est assez admirable. Voilà, alors autant de j'ai souvenir que la photographie du 4 est pas dégueulasse, autant dans celui-là... Elle est immonde. Elle est vraiment pas belle, hein. Oui, c'est une... Visuellement, on dirait vraiment un téléfilm tourné à pas cher. Ouais. Et encore, dans le 4, je disais, elle est pas immonde, elle est pas glorieuse dans le 4, mais elle était mieux que ça, quand même. Non, mais alors, voilà, comparé à ce qu'on a là, il y a des moments, tu vois rien, il y a des moments, c'est trop saturé, voilà, c'est dégueulasse. La musique est de Terry Michael Hudd, qui était alors plutôt en début de carrière et actif presque uniquement dans des séries B horrifiques, éventuellement des thrillers. J'ai trouvé des interviews de lui, alors assez vieilles, parce que c'est un compositeur qui n'a pas vraiment percé, mais dans une interview, il dit que composer pour des gros studios n'est pas ce qu'il préfère parce qu'ils peuvent être très pénibles, et il en parle juste après qu'on ait évoqué Miramax. Donc peut-être que sa collaboration sur ce film-là n'a pas été de tout repos. Ce qui va dans ce sens, c'est qu'il existe toute une BO additionnelle de Vladimir Horounzi, qui est quand même assez longue. J'ai l'impression que les deux compositeurs ont fait une BO quasiment complète, sans que je sache les raisons qui ont poussé à ce choix. Vladimir Horounzi, c'est un compositeur qu'on avait déjà évoqué, puisqu'il avait fait la BO des Langoliers. Et ils font une BO très oubliable. Oui, effectivement. Pour ne pas dire assez mauvaise, mais voilà. Oui. Avec des passages très bizarres dans la musique. Ouais, même si je pense que le passage bizarre dont tu parles, je pense pas que ce soit de lui, à mon avis c'est plus un choix du monteur ou de la réalisatrice qui ont collé ça. Je pense pas que la piste soit composée par lui pour le coup. Effectivement. Il y a eu un article de Ciné Fantastique sur le film, je sais pas bien pourquoi précisément sur celui-là, mais bon, il y en a eu un. Ça spoil la balle, déjà, ça révèle totalement la fin du film, et la réalisatrice y dit que son idée était de parler du fait que dans les cultes, ce sont les fanatiques qui donnent tout son pouvoir aux leaders, ce qui, on en reparlera, mais je trouve que ça tient moyennement comme message à la mesure où Isaac a bien des pouvoirs magiques et que sa prophétie semble exister, donc du coup, c'est pas ces fanatiques qui lui donnent son pouvoir, il les a. Bah oui. Comme les précédents, c'est un DTV, donc sorti le 19 octobre 1999, ce qui rend impossible de savoir exactement comment il s'est vendu ou ce genre d'informations. Le film a actuellement 0% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place dernier à égalité avec La Créature du Cimetière et Creepshow 3, et 3,1 sur 10 sur Sens Critique, remis en note à le ciné, ça le place 79e entre Le Démon du Maïs 7 et Trucks, les camions de l'enfer. They told me my mother was dead, but I'm not so sure. Oh my god. In a better world, they'd be labeled. Yeah, well, in a better world, a lot of things would be different. 1978? Mm-hmm. Where do we start? Grab anything from October 31st. So you find your mother. Then what? Jerry Springer Show? Daughters of cult members unite. Don't let us screw you up. What would you know about it? My parents were cult members. Just like Matt's, Morgan's, Jesse's. Pretty much everyone around here. You mean that they're all... Children of the children. Well, too bad I can't go talk to Isaac then. He probably knows who my mother is. He's done so much for Gatlin already. What, like tell kids to waste their parents? At least you've done your research. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. C'était un visionnage douloureux, tant le film est ennuyant, visuellement vraiment pas joli, avec des acteurs qui font ce qu'ils peuvent, mais vu ce qu'ils ont à tourner, bon bah, ça donne pas grand-chose. La musique est quelconque. Le film se réveille après 40 minutes d'ennui, pour ressombrer ensuite dans un semi-coma avant de se réveiller une ultime fois pour le final. C'est vraiment pas bon. Je pense vraiment que, hormis Genesis, qui lui était une catastrophe infinie, je pense que là, on est en face à l'un des pires épisodes de la série qu'on ait vu pour l'instant. Je précise, pour l'instant, attention, on n'est pas au bout de nos peines. Il nous en reste plus tant que ça, on peut espérer. Il en reste 3, je crois, à voir, mais peut-être que d'ici là, d'autres sortiront. Ouais, il reste le 2, le 3. Le 2, le 3, et le 7, je crois. Non, le 7, on l'a fait, c'est celui dans l'immeuble. Du coup, c'est le 8. Non, parce que peut-être que le 2 et le 3. Hein. Non, et non, j'avais regardé hier, et moi, sur mon Letterboxd, j'en ai coché... Enfin, il m'en reste 3 à cocher. Ah ouais? Ouais. Sur mon compte Letterboxd. Ah bah faudra vérifier. Alors à moins que j'ai oublié d'en cocher un. C'est possible parce que là je vois pas le 1 on l'a fait, les 4, 5 on les a fait, le 6 du coup c'est fait, 7 c'est fait, après c'est Genesis et Revelation. Donc, le 2, le 3 effectivement on les a pas cochés. Et c'est lequel que t'as pas coché aussi? Le 5, je l'ai pas coché. Ah, on l'a fait, le 5. Ah, merde. Ça m'a c'est, un celui que, c'est le dernier qu'on a fait. Ah, bah oui, c'était avec pour David ça que Carradine. Je l'ai pas encore coché. Ah oui. Voilà. Peut-être zappé de le cocher, en fait. Désolé, hein, on oublie. Ah, bah c'est super, ma liste... Ma liste Letterboxd. Et le 2, je l'ai déjà vu en plus, il est pas bien, mais il est pas si nul que ça. Ok. Voilà. Les démons du May 6, ouais, c'est pas bien, on s'ennuie, y a rien de très réussi. En fait, c'est les défauts de tous les autres, mais poussés à l'extrême, avec en plus cette étrangeté de base, qui est que j'ai l'impression que le film compte énormément sur son méchant, donc sur Isaac, et nous le présente comme si c'était une sorte de méchant culte, de saga horrifique. On est censé avoir peur de lui quand on le voit dans le coma, quand il se réveille. Ça peut marcher si tu le fais avec Freddy, avec Jason, avec Chucky, avec un méchant vraiment emblématique. Là, c'est Isaac dans Les Démons du Maïs. Oui, c'est vrai on que s'en bon. Fout, en fait. Et donc, toute la tentative d'installer l'angoisse en jouant sur le souvenir qu'on a du méchant, bah, ça peut pas marcher, parce que le souvenir qu'on a du méchant, soit on en a aucun, soit il est pas bon. Donc, ça ne marche pas dans le principe même, et j'ai un peu l'impression que ça vient de John Franklin, qui s'est illusionné sur le prestige et le statut culte de son propre rôle. Parce que du coup, le projet part de lui, c'est lui qui a fait tourner ça autour de son personnage. Et non, bah c'est pas bien. Voilà. Ouais, et puis, il joue pas... voilà quoi. Non, il joue pas très très bien en plus, John Franklin. Voilà. Et lui, c'est difficile de... autant les autres, on peut dire, on le leur reproche pas parce que voilà, ils ont été entraînés là-dessus, faut bien manger. Alors, autant lui, bah, c'est son projet, donc c'est plus dur oui, voilà, de c'est pas ça. Lui reprocher. C'est compliqué quoi. Quand le mec qui a lancé le projet finalement se met à jouer comme une endive morte, bon bah c'est compliqué quoi. Ouais. Un autre souci dans la volonté d'établir une continuité avec le premier, c'est que le statut de la ville de Gatlin est un peu bizarre. On a l'impression que la ville n'a pas bougé depuis genre 20 ans, que personne n'est venu un peu y enquêter. Or, vu les événements du premier film, ça serait censé avoir bougé, ça devrait au moins nous parler un peu de ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, ça n'a pas pu rester stable pendant tout bah, ce temps. Événements en plus qui sont mentionnés par les personnages, et même par des personnages extérieurs de la ville, quoi. Oui. On en parle du massacre qui a eu lieu il y a des années et des années avant. La protagoniste principale en parle, à un moment quand elle est avec le médecin, là, elle lui dit « Ah, elle lui fait une vanne sur le fait que ce soit un survivant du massacre de l'époque. » Voilà. Ouais. Donc tu dis, bah, que font les instances gouvernementales ? Qu'est-ce qui se passe ? Trump n'était pas encore au pouvoir, normalement il devrait être là. Ah, ça se voit, hein. Lui il aurait fait quelque chose. Hein. Ah, lui il t'aurait tout rasé au napalm, lui. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, les enfants délinquants, ils s'en occupent. Mais donc, déjà, du coup, on croit pas à l'univers du film. Bah, et puis ça nique tous les enjeux principaux, tu te dis, bah en fait, tout le monde s'en fout. Oui. Enjeux qui sont déjà pas bien prononcés vu que c'est pas clair toute cette histoire de prophétie, de bah trucs. Oui. Même à l'intérieur même de la simili-secte, bon, t'en as, ils en ont rien à foutre quoi. Tu te dis, il y en a qui restent là, tu te demandes pourquoi. Bah, dans les personnages qu'on voit beaucoup, à part la flic, il y en a pas beaucoup qui semblent s'en soucier. Hein. Mmh. Si, techniquement, Gabriel, spoiler, vu qu'il veut prendre la place d'Isaac, donc j'imagine qu'il se soucie de toutes ces histoires. Oui, logiquement. D'ailleurs, on le voit venir à 300 km, que c'est un méchant. Oui. Ça aussi, en fait, tout tourne autour des méchants qui veulent se remplacer les uns les autres, de la prophétie, où ils sont pas d'accord sur comment l'interpréter, etc. Mais au final, la conclusion, c'est qu'ils essaient tous de tuer l'héroïne, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sa conclusion, c'est ça, effectivement. ils le font pas pour les mêmes raisons, ils veulent pas tous mettre la même personne à la tête de la secte, mais ils sont d'accord pour essayer de la tuer. Personne lui veut du bien à cette pauvre petite dame. Ouais. Elle, c'est typiquement le genre de personnage où, tu sais, quand tu regardes un film d'horreur fantastique, t'as toujours ce moment où tu dis, mais pourquoi le personnage reste là, barre-toi. Mais tu te dis, bon, après, à sa place, tu sais pas comment tu réagirais. Sauf que elle, tu sais vraiment comment tu réagirais, tu te barrerais en fait. Pourquoi elle reste là, tu ne sais pas. Elle a 10 000 occasions de partir, il n'y a rien qui la retient et elle reste. Alors que des trucs bizarres, elle envoie. Au bout d'un moment, quand tu croises un mec avec une machette qui tape le sol en disant toi aussi tu viens pour la récolte, bah tu te barres en fait. C'est au pire tu reviens avec la police si vraiment tu tiens beaucoup à enquêter sur tes origines. Voilà, c'est ça. Elle se fait agresser à l'hôpital, elle se fait agresser partout où elle va. Au bout d'un moment, quoi. Et puis je trouve certaines de ses réactions assez étranges, notamment quand elle reproche à sa mère de l'avoir abandonnée. Alors en soi, ça pourrait marcher si ça arrivait avant qu'elle n'ait appris que sa mère l'avait abandonnée pour pas que la prophétie serait pour la protéger justement du reste de la secte. Oui. Elle le sait déjà normalement à ce moment-là. Et du coup, à la limite, qu'elle en discute, qu'elle dise que ça lui a manqué et tout, d'accord, mais qu'elle reproche de pas comprendre pourquoi elle l'a abandonné alors qu'on lui a dit très clairement les raisons, ça marche pas à ce moment-là du film. Ah oui. Dans les autres trucs qui donnent l'impression qu'ils ont pas calculé le temps qui est passé, il y a la scène où Jake, celui qui est fou, essaie de tuer Isaac avec un oreiller. Et oui. On se dit, oui, il essaie à ce moment-là, mais vu qu'il sait que la prophétie doit se réaliser depuis 20 ans... Pourquoi il n'a pas essayé au cours des 20 dernières années? Et s'il a essayé au cours des 20 dernières années, pourquoi on ne le surveille pas plus? Oui, voilà, c'est ça. Parce que le mec vraiment vagabonde à l'intérieur de l'hôpital. Ouais. Le médecin, il a l'air totalement perdu aussi. Ouais. Je pense que lui, c'est pour illustrer que c'est un adulte qui est resté mais qui ne fait pas partie de la secte, donc il ne sait pas pourquoi il est resté, mais effectivement, ça ne marche pas. Et puis qui est resté ultra terre-à-terre, surtout. Oui. Bon, lors de la visite de l'hôpital, il y a tous les clichés. Hein. Vous aurez la musique au carillon, vous aurez les enfants bizarres un peu partout. Bon. Ouais, les enfants bizarres qui sont tous rassemblés dans une seule et même pièce. Oui, ça, c'est le... C'est la crèche de la ville. C'est vraiment... Elle se balade dans l'hôpital et vraiment, en fait, tu vois la caméra qui filme de pièce en pièce et tous les gamins sont dans une seule et même pièce et la regardent tous bizarrement. Et le reste de l'hôpital est complètement vide. Voilà, tu peux... Bon, en vrai, on sait que c'est à cause du budget, mais bon. Ce serait bien de cacher ça. Oui. Mais ou alors de réussir à installer une ambiance à partir de ça, de vraiment donner une ambiance de ville abandonnée dans laquelle il n'y a plus que quelques personnes qui vagabondent. Oui, parce que effectivement, c'est pas du tout le cas, quoi, vous vous en doutez. Ouais. C'est plus ridicule qu'autre chose, finalement. Parce qu'il y a très très peu d'idées de mise en scène... Il y en a une ou deux par-ci par-là, mais c'est quand même très très rare. Hein. Et puis le rythme, quoi. Il y a vraiment un problème de rythme dans ce film. Quand j'ai dit que ça se réveillait à 40 minutes, c'est pas des conneries. Il ne se passe rien pendant 40 minutes. C'est que des scénettes où on voit les personnages faire leurs trucs, faire des trucs bizarres. Que Isaac met longtemps à se réveiller, et oui, je pense que le film compte sur l'angoisse qu'on aura juste à l'idée du réveil d'Isaac. On comprend pas. Oui, effectivement. Voilà. Alors, en gros, pour résumer la prophétie, il devrait y avoir, c'est Anna qui est la première née, la première fille née des enfants du culte original, donc des enfants du premier. On rappelle qu'ils assuraient la reproduction avant de mourir à 18 ans. Oui. Donc elle, c'est la première fille née, et elle est censée avoir elle-même un enfant avec le premier fils né pour faire un nouveau prophète, pour ressusciter le culte. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. C'est au passage dégueulasse, parce qu'au bout d'un moment, la consanguinité bonjour. Oui, mais ça, on appelle ça une famille royale. C'est pas faux. Ou l'Amérique profonde aussi. Oui, c'est ça. Les sectes, ça fonctionne forcément en circuit fermé, donc au bout d'un moment, c'est forcé d'en arriver à ça. Hein. Et puis, il y a peut-être un petit côté Adam et Ève, ou je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Come on, Jake, let me help you. Is that what you said to Rachel? It isn't a medical miracle. It was Hannah's touch. You leave that girl alone. You didn't. You took her from her mother. I took her from this town. I wanted to give her a chance. And she's still mine. You're sick. Are you ready to pay for your actions? I've been paying for it all my life. It's your soul that's gonna burn in hell. I don't have a soul. Il y a un désaccord, j'ai l'impression, sur qui est le premier fils né. C'est ça qui fait le désaccord entre Matt et Gabriel. Oui, c'est ça, oui. Mais alors, j'ai pas vraiment compris après le fondement du bordel. Mais effectivement, il y a une embrouille. Ce serait Gabriel le premier fils né, en réalité, je crois. J'aime bien le « je crois ». Oui. Non, mais lui, il a l'air de dire que oui. Sauf que nous, on n'en a pas confirmation, et surtout, on s'en branle, donc... Oui, c'est ça, surtout. c'est le mot, oui, effectivement. Mais en fait, effectivement, c'est d'autant plus un souci que, en termes d'intrigue, on va passer énormément de temps à suivre Isaac et les autres gens de la ville, plutôt que l'héroïne. Or, bah, on en a un peu rien à péter d'Isaac et de ses luttes de pouvoir. Ah oui, on en a carrément rien à foutre de tout ce qui se passe, hein. C'est que ce soit psychopathe A ou psychopathe B qui soit le méchant final, j'avoue que je me sens pas méga concerné par le thème. Bah disons que Isaac est un peu plus comment dire, intimidant parce qu'il a des pouvoirs. Ouais, mais Gabriel en a aussi. Ouais, mais j'ai l'impression que Gabriel les utilise moins tout le long du film. Bon, il utilise quand même sa super force. Ouais, mais tu vois, moi Isaac électrocute quelqu'un, c'est rigolo. Ouais. Il électrocute le médecin, d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce qu'il le fait avec ses pouvoirs, parce qu'il y a des fils électriques dénudés à ce moment-là. Oui, mais il me semble que les fils dénudés, il les contrôle... Oui, effectivement. Télékinésie. Ouais. Si ma mémoire est bonne, hein. Gabriel, je crois, utilise aussi sa télékinésie sur Isaac à la fin. J'ai quand même vu le film hier soir, j'ai déjà tout oublié, c'est oui, ça remonte un peu. Moi, je crois que je l'ai fait en deux fois tellement je m'ennuyais. Oh la vache! Ah oui, quand même! Oui, donc oui, le docteur est tué par Isaac. C'est ça la scène où tu dis que le film se réveille un peu en milieu ou... Oui, c'est la première véritable mort du film, il me semble. Ouais, oui, oui. Après, c'est pas un film très sanglant. Hein. Enfin, ça commence sur une scène de meurtre, mais on sait pas de qui, on sait pas pourquoi, et donc on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est... Ça commence, on est dans le champ de maïs, et puis tout d'un coup, on entend un bruit de slash rapide, genre on comprend que quelqu'un s'est fait planter, le cadavre d'une femme tombe, et voilà. Et on sait pas pourquoi, on sait pas qui, on sait pas quand, on sait pas où, on s'en fout. Avec un dialogue que j'ai noté quand le docteur est tué par Isaac, le docteur lui dit « Ton âme brûlera en enfer », et Isaac répond « Je n'ai pas d'âme ». Il se croit vraiment classe, hein, John Franklin, avec ses dialogues. Ah, puis pire, il aurait pu dire « Je suis l'enfer ». Ouais, tu pourrais presque avoir une espèce de riff de guitare derrière à ce moment-là. Là, si je suis ménage, je note que Gabriel joue très très mal le mec bourré. Ah oui, c'est vrai, exact, il y a une scène... il y a une scène, oui, effectivement, comme ça. Quand il dit à Anna d'aller fouiller la tombe de l'enfant de Rachel. Et il joue très très mal. C'est le moment où elle croise le mec avec sa machette, là. Non ? Alors, oui, je crois que c'est... Non, c'est dans ces eaux-là, en tout cas. C'est au moment de la tombe, je crois, à peu près. Elle croise le mec avec la machette, et après, elle surprend une conversation entre la flic et je sais plus qui. Ouais. La flic vraiment part en mode bougon. Vous savez, comme les enfants, quand ils font genre, ils sont pas contents. Oui, oui, c'est ça. Ils partent vraiment... pas content. C'est jeu d'acteur... putain, c'est 0 sur 20. Après, ça commence en poursuite, etc., etc. Elle est stalkée et enlevée par les enfants une première fois pour être amenée dans le champ de maïs. Il y a un enfant, vraiment, qui la stalke tout le long du film. Il est cringe à mort. Oui. Bon, il y a un enfant, quoi. Il y a... Non, mais... Ce passage-là où, tu sais, elle est dans sa chambre d'hôtel. Oui. Enfin, de motel, même, plutôt. Il y a un personnage qui vient lui parler. Et ce personnage-là sort, et en fait, c'est l'enfant qui est là. et qui ferme la porte, mais tout doucement, en la fixant du regard. Et elle, vraiment, elle est là en mode ah, « Salut, quoi ?» ils en font des tonnes hein, sur les enfants bizarres. Ah oui, bah après, il n'y en a vraiment qu'un seul, comme tu dis, d'enfants bizarres. Mais ce qui renforce le côté ennuyeux et manque d'impact, parce que tu dis bah, « Du coup, ils sont où ?» Ils sont où ces gens censés être bizarres, finalement? Il n'y en a qu'un. Techniquement, je crois qu'il y en a d'autres qui sont censés être des enfants bizarres, sauf que les acteurs ont 60 ans, donc... Ah oui, ça fait moins effet. Bah oui, bah on n'en voit aucun, du coup, c'est ça le problème. Tu te dis, s'il y en a qu'un, bon bah c'est facile. Je sais pas, tu lui fous une chaise dans la gueule et c'est bon, tu t'en vas. Pourtant, c'est pas dur de demander à tous les gens de la prod d'amener leurs gamins pour une journée de tournage, tu leur fais faire des trucs bizarres, tu les lâches dans les couloirs et tu les filmes à leur insu et hop, c'est bon, t'as des images d'enfants bizarres. Tous les enfants ne font pas des choses bizarres, et ça. Oh, si. Sous le bon éclairage. Oui, peut-être. Donc, elle est amenée dans le champ de maïs pour le rituel. Elle réussit à s'échapper, elle est récupérée. Bon, ça traîne, hein. Tu sens qu'ils ont eu du mal à remplir leur heure 20 de film. Ouais, oui, parce qu'en plus, c'est vrai que le film ne dure même pas une heure et demie, quoi. Elle finit par être enfermée dans la grange avec Gabriel. Là, il y a une fille qui a vaguement tenté de l'aider, qui se fait tuer parce qu'elle a tenté de l'aider, justement. Ouais. Et donc, il y a la scène de douche et de cul dans la grange. Cette scène, oh la vache, mais d'où ça sort ? Ouais, là on est dans le film érotique M6. Hein. Ah mais c'est vrai en plus, clairement. Il y a un personnage qui vient avec un jet d'eau pour que l'autre se lave. Et puis tout d'un coup, tu sais pas, ils sont pris d'une folie sexuelle. Je ne vois pas d'autre mot. C'est très bizarre. La scène est cutée à mort avec des gros plans d'horloge, de maison, de ciel... Je pense que l'horloge, c'est parce que c'est un gros pendulier qui va et bien, du coup. Je sais pas. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Je sais pas si c'est ça, hein. Mais... C'est peut-être ça, mais quoi qu'il en soit, j'ai rarement vu une scène érotique aussi peu excitante de toute ma vie. C'est vrai qu'elle est particulièrement ratée, quand même. Ouais. Putain, ça donne envie de tout faire sauf l'amour. C'est quand même étrange, finalement. Mais il y a pire, parce que peu après, il y a une scène de suicide que je trouve encore plus ratée. Ah oui, elle est incroyable. Sur du hard rock. Ouais, hard rock, métal, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est nul. Ah oui, c'est totalement nul. Vas-y, je te laisse aller. J'ai décrit la scène de douche, tu décris le suicide. Donc Gabriel et Anna sont libérés plus ou moins par Matt, et Gabriel pousse Matt au suicide. Il lui dit plus ou moins, tu sais ce que tu dois faire. Et donc, Matt prend une faux, il la met... par terre avec la lame vers le haut, ce qui est déjà un équilibre compliqué à trouver. Hein. Essayez de faire ça avec une faux, je pense que vous passez une heure à positionner votre machine. C'est ça. Et après, effectivement, il y a du gros hard rock metal bien station FM des années 90 qui commence bien nul. Et il se laisse tomber de tout son long sur la faux pour se suicider. Voilà. Il y a rien qui va, la méthode ne marche pas, la musique ne marche pas, il n'y a rien qui va dans cette scène. Ah oui, la scène est nulle, elle est mal éclairée, c'est dégueulasse. Et puis comme tout le reste des crimes de ce film, tu ne vois rien. Oui. Là, tu vois rien. T'as un gros plan de la plaie et cut. Tu vois rien d'ailleurs non plus un peu plus tard quand Gabriel crève les yeux d'un type dans un couloir alors qu'il recherche Isaac. Oui. Pour des raisons obscures, hein. En soi, Anna, elle pourrait se barrer, encore une fois, aller chercher la police, dire « il y a un taré qui est en train de tuer tout le monde dans la ville ». Ce serait ça, le bon comportement, parce que Isaac n'est pas du tout après eux à ce moment du film. Bah non, clairement pas. Ça aussi, ça fait partie des incompréhensions du bordel. Ouais. Et puis là, bon, y a le final, les grandes révélations, ce sera Gabriel, le vrai premier fils. Là, tout le monde est psychopathe et commence à utiliser ses pouvoirs magiques, un peu n'importe comment. Gabriel surjoue à mort. Tu te souviens des applaudissements en effets spéciaux, enfin en effets sonores, quand Gabriel se la joue show télé, tu sais. Ah, au moment de l'exécution. Ouais, avant de tuer Isaac. Ouais, oui, c'est vraiment ridicule. Ils ont rajouté des faux applaudissements, c'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. Gabriel finit le film sur une petite blague juste avant d'exploser, parce que voilà, tout explose. Et ça a tellement pas de sens. Et Anna s'enfuit avec sa mère biologique, Rachel, et voilà. Et voilà, 1h25 de vide. Et quand je dis « et voilà », c'est pas une tentative d'abréger moi, hein. C'est une fois que tout a explosé, il y a une voix off pourrie sur des images de ciel qui nous dit « la sombre vérité est en moi ». Enfin, il y a Anna en voix off qui dit « la sombre vérité est en moi » et c'est fini. Voilà, hein, c'est vraiment comme ça à la fin. Ouais, c'est vraiment, c'est expéditif au possible. Ouais. Je ne comprends même pas ce que ça veut nous dire sur la psychologie de Anna à la fin, etc. Bah, pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est bien ça, le problème. Est-ce que ça se veut profond et que ça veut nous teaser un Démon du Maïs 7, où il y aurait eu de nouveau le re-retour d'Isaac, ou Anna qui accouche d'un nouvel antéchrist? Peut-être que John Franklin avait l'intention de reprendre les rênes de la saga. Peut-être, mais il ne l'a pas fait, c'est tant mieux pour nous. Ce qui pose plein de questions d'ailleurs, c'est est-ce que le suivant se sera appelé chez lui 667 ou 777 par exemple. Imagine. c'est un peu comme les donjons de Trondheim et Sfar, il fait le 666 oui. Et après il fait tout ce entre. Ça me fait mal au cœur de t'entendre comparer Trondheim avec cette merde. Ah la vache. Et donc voilà, c'est tout pourri et je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter. Comme on l'a dit, c'est plutôt moche. Oui. Et voilà. 501 plus 165, 111 fois 6. Le code barre de l'antéchrist. Je vois des porcs et des sangliers. Le feu et le sang lié. Je prie car j'ai peur, Satan rit. Solar pleure. Très bien, nous avons choisi une scène dès le début du film. On est vraiment pas loin de la première scène, puisque Anna est en route vers Gatlin. Elle nous a dit en voix off, parce que le film ne sait pas expliquer des trucs autrement, qu'elle a des visions et que du coup elle doit retourner dans sa ville. Et elle prend un pasteur en autostop. My name's Zachariah Johnson. Yes? Oh, I'm Hannah. Hannah Martin. And Hannah said, I am a woman of sorrowful spirit. If thou wilt give me a son, I will give him unto the Lord all the days of his life. First book of Samuel. Surely you're familiar with the origins of your name. I must have missed that day of Sunday school. Let's just see here. Hannah was barren. She prayed to the Lord for his favor, and the Lord remembered her. Hannah bore a son. She named him Samuel. That's nice. Because he had the gift of visions, Samuel became a great prophet. If you have a son, you should name him Samuel. Oh, I don't see kids in my future. Unfortunately, that's not for you to decide. Fortunately, I have a choice. Do you? Voilà, voilà, c'était la scène. Putain, ah oui quand même, ce retour plateau incroyable. Ouais, ils sont de mieux en mieux. Si on a mis cette scène, c'est parce que ça illustre bien un truc qu'on a évoqué pendant le film, c'est les trucs bizarres, et genre vraiment très bizarres, commencent extrêmement tôt. Et en soi, elle serait censée s'inquiéter beaucoup plus vite et partir beaucoup plus vite. Oui, c'est ça, pourquoi tu ne pars pas ? Déjà de base, moi je croise un prêtre, je m'inquiète. De base. Non, à la limite, j'ai plus de 12 ans, je m'inquiète moins, tu vois. Mais... Oh voilà, on s'est pas fait que des amis avec cette Non mais, le prêtre, déjà, il est turbo-chelou. Ouais. Tu me diras, comme tous les personnages du film, mais là, pour l'instant, on en a croisé aucun autre, donc le mec est turbo-chelou. Ouais, il commence à lui tenir des propos... En même temps, j'allais dire des propos sur « t'es une femme, faut que t'aies des enfants », elle dit « j'en veux pas », il dit « ça viendra quand même », bon ça à la limite, ok, aujourd'hui c'est l'Amérique, mais... Oui. Mais normalement tu t'inquiètes quand même. Oui, voilà. Et tu votes pas Trump, putain. En plus. Ah, ils comprendront jamais, hein. Mais bref. Il y a un moment où le prêtre disparaît, hein. Oui. Suite à une sortie de route. Parce que c'était une vision, je suppose. Tu supposes, mais vu qu'on le retrouve plus tard pendu et égorgé par les pieds, bon, c'est pas tellement une vision. Oui, bah c'était une vision très concrète. Et c'est vrai que après cette sortie de route, bon bah tout va bien finalement. Je reprends ma voiture et puis je continue ma route quoi. Même pas parce que c'est là qu'elle se fait choper par la policière qui est elle aussi turbo chelou. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle a vu des enfants bizarres aussi entre temps. Enfin, il y a vraiment que des trucs bizarres parce que même le médecin qui est le personnage le plus normal du film, il est bizarre. Mais à un moment, il la chope, mais par la mâchoire, tu dis mais. Mais arrête-toi, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est pour lui remettre le coup en place, au final, je crois que c'est ça. Mais j'ai dû me repasser la scène pour comprendre ce qu'il faisait, et effectivement, il le fait de manière extrêmement chelou. Normalement, tu dis à l'avance, quoi, ce que tu vas faire. Bah oui, alors que là, pour il l'a saisi... Pas que t'aies l'impression que ce soit une agression sexuelle super glauque. ou même une autre type d'agression. Là, oui. Comment il la chope, bon... C'est vrai qu'il la chope sans ménagement, sans prévenir, rien du tout, hein. Mais c'est vrai que la seule motivation de Anna, c'est retrouver ses racines. Mais normalement, ça a des limites, retrouver ses racines. Quand tu vois qu'il y a que des trucs chelous, bah tu reviens plus tard accompagné. Oui, c'est ça. T'as attendu 18 ans, tu peux bien attendre 2-3 jours de plus. Tu vas pas tout seul, quoi, au bout d'un moment. Bah oui. Mais voilà, ça vous a donné un exemple de scène. C'est pas très dur à trouver, hein, si jamais vous voulez le voir en entier. Enfin, quoique moi, quand j'avais cherché, je l'avais trouvé qu'en espagnol. Mais bon, ça rajoute un peu de couleur, hein. À la limite, regardez en espagnol, c'est peut-être plus sympa. Il est pas si, non, il est pas si facile, hein. Oui, c'est toi qui me l'avais envoyé, merci d'ailleurs. Déjà, il a pas eu d'édition française. Non, mais je crois que ça fait un moment qu'ils ont plus d'édition française, hein. Le dieu de la cinématographie nous en préserve. Dans mon souvenir, depuis le 4, ils en ont pas, hein, des éditions françaises. Ah, peut-être, effectivement. On les a peut-être à chaque fois vus en VO sous-titré ou en full VO. Ouais. Le 2, je suis sûr qu'il en a une, et je crois que c'est le cas du 3, mais les 4, 5... Ouais, c'est 5, 6, 7 et tout ceux d'après, je suis sûr que c'est pas le cas. Ce qui est à la limite un peu dommage pour le tout dernier, qui, lui, en mériterait une. Parce qu'on rappelle qu'il est plus que sympathique. Oui, effectivement. Bon, on va classer celui-là ? Eh ben, allons-y. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Très bien, nous avons actuellement 93 œuvres classées dans les films et adaptations, parce que évidemment on va pas reclasser la nouvelle. Je peux juste, comme d'habitude, vous rappeler ça. Place Les Enfants du Maïs, c'est 47e sur 61 œuvres classées dans les textes. Et donc dans les films, aux 5 premières places, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anoak Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joel Soissons, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdesiga, et Room 237 de Rodney Asher. Sans doute l'un des films de chevet des électeurs de Trump. Certainement, ouais. Shining is fake news. Et donc, bon, comme on a dit, c'est au-dessus de celui de Joël Soisson, donc c'est au-dessus de la 89e place. C'est au-dessus de Genesis, qui était vraiment abominable. Ouais. Mais bon, c'est aussi en dessous, c'est quoi l'autre démon du maïs le plus bas, le suivant, c'est à la 79e place. Le suivant, c'est celui de Larry Cohen. Non, Larry Cohen, c'est les enfants de Salem. C'est des enfants aussi, ah, mais oui, Salem, c'est une autre ville. Mais c'était lui aussi. C'est une autre ville. Ouais. Non, l'autre démon du maïs, pour remonter au-dessus, c'est celui de Donald P. Borcher, donc le remake. Ouais. Qui est à la 60. Je pense que je préférais même revoir le remake à celui-là. Ouais, oui, effectivement. Honnêtement, je pense que je préfère The Mangler 2. Putain, c'est ce que j'allais dire. The Mangler 2 a au moins pour lui quelques séquences fun. Ouais, et même le singe du diable, hein, limite. Ouais, Crunchhead, c'est plus court. Bon, c'est très très nul, mais c'est plus court. Ouais. Contre-temps, par contre, non. Ouais, Contretemps, c'est interminable. Hein. Arrêtons-nous là. Mais ouais, je dirais entre Crunchhead, qui est un peu mieux, qui est un peu plus raté niveau effets spéciaux, mais qui est plus court, et Contretemps. Ouais. Voilà. Parce que Crunchhead, il a les mêmes défauts, hein, les acteurs mauvais, l'image dégueulasse dans Crunchhead, ne l'oublions pas. Oui, plutôt à cause des effets numériques, mais oui. Parce que c'est du coup pour pas que les effets numériques soient encore plus dégueulasses, bah tout est un peu grisâtre, voilà. Ouais, ils Dans avaient tenté de faire Crunchhead. un truc bizarre à la photo qui marchait pas du tout. Ouais. Donc voilà, Children of the Corn 666 Isaac's Return prend la 86e place entre Crunchhand de Mark Haber et Contretemps, la série scénarisée par King, ce qui fait qu'il n'est pas dans le flop 5, mais c'est quand même le deuxième pire démon du maïs selon nous. Ouais. Voilà, ça vous donne une idée si vous avez écouté tous les épisodes qu'on a pu faire sur cette saga. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour parler cette fois-ci d'un préquel avec Cimetière aux origines du mal, sorti l'année dernière et qui est donc le préquel du dernier Cimetière en date, pas de celui de Marie Lambert. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, arrobase cinéma archiviste pour toi. Sur Twitter et Blue Sky, arrobase Chris-du-6 Lost Tales sur Blue Sky pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Twitch, c'est aussi The Last Tales pour toi et Archiviste du cinéma pour moi. Exactement. Nous faisons aussi ensemble une émission cinéma généraliste. Le premier épisode, il y avait un dossier sur les zombies japonais, le deuxième c'était sur François Truffaut, pour donner une idée de la marge qu'on s'accorde. Oui. On enregistre en live sur Twitch, on va essayer d'en faire une par mois, donc là on va commencer à réfléchir à la date de la prochaine, j'imagine. Oui, effectivement, il serait temps. Ouais. Et c'est en replay, en audio et sur YouTube aussi. Et je fais aussi des vidéos sur YouTube, toujours archiviste du cinéma. Voilà, ça fait beaucoup de trucs. Mais ça fait on met tous beaucoup. les liens. Ouais, on est Ça fait un actif. peu, hein, ça fait un peu beaucoup. Ouais. On se retrouve donc dans 2 semaines. Et en attendant, n'oubliez pas, Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 7 jours jours sur sur 7, 7, 24 24 heures heures sur sur 24. 24. À plus! Salut!